Édouard et Paladin, vous vous trouvez tous deux devant le corps inerte et encore balançant de ce cher Basile. Vous voyez ses yeux blancs, perdus dans le vide, avec juste en dessous l'animal sautillant pour essayer d'en attraper le corps, haussant ses griffes et aboyant. Je chasse l'animal. Ok. Assez aisément, tu te rends compte que la bête n'a pas dû manger depuis longtemps. Tu arrives à la dégager. Elle était plus là pour récupérer un morceau que véritablement chasser. Je me rapproche du corps pendant. Mm-hmm. Et j'essaye de voir, d'analyser. Je sais que c'est pas ma spécialité du tout, mais je pense que par ma stature de combattant, peut-être que je peux au moins savoir s'il y a des hématomes physiques, genre de choses que je pourrais connaître d'attendre à combat, ou s'il a juste l'air d'être mort. Bien sûr. Je vais demander dans ce cas-là un jet de... Il n'y a pas médecine. De si, de soins, pardon. D'accord. Oh, deux secondes, je reprends juste ma fiche. Avec un bonus de 2, car c'est pas réellement du soin, mais plus de l'analyse médicale. En attendant, pendant qu'il fait ça, comment il est maintenu à l'arbre? Est-ce que la corde vient jusqu'au sol, ou elle est accrochée directement à la branche? En effet, la corde est accrochée directement à la branche, mais il y a une partie qui pend légèrement également. Et du coup, j'aurais aimé, une fois qu'il aura fait ce qu'il a à faire, décrocher le frère Basile pour... Très bien. Voilà. Mais je le ferai une fois qu'il aura fait ce qu'il veut faire, et tout ça. J'ai fait 9. Malheureusement, vu comme ça, tu ne saurais pas trop. Pour rappel, il a une partie des tripes à l'air, donc il a visiblement été ventré, puis poignardé sans doute à plusieurs reprises. Mais... Je regarde le corps également. Très bien, donc je te demande un jet de soins également. Qui part pour un jet de médecine. Non, ça ira pas. 7. On n'apprend pas plus que lui non plus. Du coup, Paladin, je pense que il faudrait le décrocher. Je ne suis pas sûr de ça. Autant appeler les autres, je pense, avant de prendre une telle décision. D'accord. Mais bon, ce serait quand même difficile de laisser le frère. Vous connaissez la forêt, vous serez capable de nous ramener ici. Bien sûr. On va pas le laisser là jusqu'à nuit des temps, vous inquiétez pas. On n'est pas si loin que ça de la cabane. Très bien. Pas de problème. Je pense que vous êtes d'accord que l'expertise de Gunther sera la bienvenue sur cette effectivement, situation. Pendant qu'on va retourner les voir, j'en profite quand même pour récupérer le sanglier. Enfin, le morceau de sanglier que j'avais, autant que j'en profite pour... Donc hop, je prends mon morceau de sanglier sur les épaules. Très bien, et vous repartez. Faites-moi chacun un jet de perception. Très bien. Ah non, seulement... oui. Deux ? Oui, seulement vous deux, évidemment. Ça fait 10, pas mal. Ça fait 11. En partant, vous avez l'étrange sensation d'être observé. Vous ne sauriez dire si cette sensation réelle est... si elle est censée ou s'il s'agit juste de paranoïa, mais... Vous entendez comme des bruits autour de vous et vous avez comme une impression de flou ou de distinguer des silhouettes au-delà des buissons et des arbres qui vous entoureraient. Lorsque vous vous rapprochez, ces dernières se dispersent en des multiples silhouettes. Finalement, il ne s'agissait que de quelques cailloux empilés ou d'une branche d'arbre qui semblait être un bras. Alors vous continuez, vous retournez en direction de la maison. Pendant ce temps-là, au même moment, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites, Jeanne et Gunther. souviens bien, je comparais mon bouquin et le bouquin que j'avais trouvé, vu qu'il y avait une histoire, mais c'était identique, mais très proche. Tu sembles tout bonnement faire face à une nouvelle version du livre que tu possèdes. Une nouvelle Bible, en tout cas un nouveau tome, on va dire, prenant quelques parties hérétiques et décrivant en long et en large, cette fois-ci de manière peut-être plus terre à terre, certains rituels et certaines manières de... Comment dire ? Oula, d'invoquer les démons. Enfin, le malin. Si Jeanne n'a pas quelque chose à dire d'immédiat. Ah, ben moi du coup, je comptais. Pardon, excusez-moi. Je pense que je vais m'occuper de ce qu'il faut faire, genre raviver un feu, genre de choses, pour préparer l'arrivée des autres. Peut-être. Voilà. Très bien. Des éléments du quotidien, de la vie, quoi. Donc ce qu'il faut pour faire vivre un petit camp. Ok, parfait. Bon, je te demande pas de jet non plus, tu t'occupes en effet de rallumer le feu. Alors que tu furtes à tes activités, je vais te demander également de me faire un jet de perception. Hop, 14. Ok. 14. En passant un moment l'œil à travers une fenêtre, tu distingues deux silhouettes en train de se rapprocher de la maison, à travers les bois, entre les arbres. De silhouettes familières, ou est-ce que je peux distinguer quelque chose ? En effet, en attendant quelques secondes, tu reconnais assez facilement Paladin et Edouard. L'un d'entre eux porte fièrement, au niveau de ses épaules, un superbe sanglier dans lequel est plantée une flèche et dont le sang coule le long de la bête. Tu remarques quand même à leur visage que quelque chose ne va pas, à leur expression faciale. À l'expression faciale d'une personne. Exactement. Bah, je vais m'approcher d'eux, alors je vais laisser le feu là, oui. Ok. Donc vous autres, lorsque vous approchez, vous vous observez. Jeanne sortir de la maison et venir vous voir. Au moment où elle s'approche de nous. Ouais, Gutter. Lily. Ouh, menez-moi à lui, il faut qu'on parle rapidement. Là-bas. On y va. Je crois qu'il est toujours dans ses livres. Ok. Et ben du coup, en arrivant face à Gunter, bon, on a une mauvaise nouvelle. Allez-y, Edouard, j'ai pas envie de. Eh bien, je dois dire que malheureusement, frère Basile est mort. Nous avons découvert son corps pendu à un arbre. Wow. Il est à quelques centaines de mètres de la cabane. Je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Gunther, il serait bien que vous puissiez jeter un œil au corps, peut-être pourrait trouver des choses que nous n'aurions pas vues. Ni moi ni Edouard avons trouvé quoi que ce soit d'intéressant sur son corps. Il a juste l'air pendu. Et étripé. Étripé, bien entendu. C'est ça que c'est. C'est un petit détail. Est-ce qu'il avait quelque chose sur lui? Bah, a priori, il était habillé. Enfin, il était pas nu, hein. Oui, non, mais vous avez fouillé ses poches. Bah non, il est toujours suspendu. On l'a pas décroché. Bah, qu'est-ce qu'on entend pour le décrocher? Paladin, Paladin voudrait que Gunther examine le corps avant de le faire descendre. Pour pas compromettre, des indices qui pourraient nous aider. Mais tout à fait. Et puis il me semble de toute façon que il n'est plus à 5 minutes près maintenant. Mais sachant qu'on va partir immédiatement. N'est-ce pas, Gunther? Oui, oui, allons-y. Faisons ce qu'il faut être fait. Là-dessus, vous quittez la maison? Ouais. Direction le cadavre. Prenez vos livres, Gunther. Voilà, c'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'on prend les livres quand même, histoire de... Étant donné qu'on a cru voir des gens peut-être rôder autour de la maison, je pense qu'il serait plus sûr de prendre les livres. Vous empoignez donc les livres, récupérez ce que vous pouvez, recouvrez la trappe. Ouais. On recouvre la trappe. Ouais, ouais. Okay. En fait, on essaie de... Enfin, de toute façon, si la personne sait ce qu'elle cherche, elle la trouvera. Mais nous, on va faire comme si on n'était vraiment pas trop fouillé là-dedans, tu vois, par les bouquins. Très bien, en effet. Vous recouvrez la trappe. Éventuellement, peut-être que vous laissez le feu allumé. Très bien. Et là-dessus, vous vous rendez... de nouveau dans la forêt. De ton côté, Edouard, je te demande un petit jet, simplement un indice, il n'y a pas vraiment de test. C'est juste pour voir à peu près au niveau de l'orientation comment tu t'en sors. 11. Sur un des 10? C'était 6 sur le des 10. Oui, voilà, c'est parfait. C'était juste un petit jet comme ça. En fait, j'attendais de voir si tu faisais un ou autre chose. Donc non, en effet, tu arrives assez facilement à retrouver le chemin que vous avez quitté il y a quelques minutes seulement. Toutefois, en arrivant autour d'une clairière à peu près similaire, qui aurait pu être celle, en tout cas, par laquelle vous êtes passé tout à l'heure, vous constatez bel et bien un arbre, mais rien d'attaché à ce dernier. Bon, eh bien... Peut-être est-ce la mauvaise carrière. Écoutez, je suis assez embêté car il me semble que nous sommes au même endroit, au parfait endroit où nous avons vu le frère Basile. Essayer de faire un repérage visuel, histoire de me concentrer sur les éléments qui nous entourent, voir s'ils correspondent à ce que je m'en suis fait comme dernier souvenir. Je vais demander dans ce cas-là un jet de perception. Je comprends. Moi, je regarderai aussi la branche, voir si je vois pas peut-être une usure qui pourrait dire ou la corde. Très bien. J'ai fait pile 11. Tu te diriges au niveau de l'arbre et toi, tu diriges au niveau de la branche. Vous inspectez un petit peu les éléments. Vous voyez, c'est un vieil arbre avec de solides branches. Et au sol, tu distingues quelques gouttes de sang, Paladin, qui semblent avoir coulé et légèrement teinté les tiges d'herbe qui ressortent et qui ont été pliées sous un poids quelconque. Tandis que toi, Edward, en fixant là, au niveau de la branche, tu peux également remarquer quelques traces, comme si l'écorce avait été légèrement retirée à certains endroits. En tout cas, sur le pourtour de l'une des branches. Vous en déduisez donc à peu près facilement que l'endroit où vous trouvez était bel et bien l'endroit où vous vous trouviez tout à l'heure. Et que même s'il est difficile de se repérer quoi que ce soit d'autre, puisqu'il n'y avait pas d'autres éléments indicateurs, quelqu'un ou quelque chose a visiblement retiré le cadavre depuis. C'était bien arc. Ici, retournons à la maison. Je sors mon arc. Au cas où, avec une retournons flèche à la maison. Dessus. Très bien. Et j'observe. Autour de nous. Ok. Est-ce que quelqu'un réagit à ce que j'ai dit ou pas? Oui, oui, non, je t'ai entendu, mais en même temps qu'on s'en... enfin, que je te suis, moi j'observe en même temps. T'observes d'un coup autour de vous, tu te retournes dans tous les sens, essayant de distinguer la moindre silhouette au niveau des arbres, mais tu ne vois malheureusement absolument rien. Toutefois persuadé que quelque chose est là quelque part en train de vous observer, tapis dans l'ombre ou caché derrière des broussailles, un buisson, qui sait. De votre côté, les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez Paladin jurer et vous indiquer de retourner immédiatement à la maison. Vous suivez ses ordres? Bah, bien sûr. Ouais, je fais confiance à Paladin. Il y a toujours raison. Très bien. Faites-moi chacun un jet d'athlétisme. Tous. Puisque vous partez en courant, du coup, de ce que j'ai compris. Ouais, je pense... Oui. Oh. Je peux retirer mon armure? Je me prends encore dans une racine. Moi aussi, Gunter, bisous. Mais toi, t'es pas en armure, t'as pas d'excuses. Malheureusement, aucun d'entre vous n'a réussi son jet. Vous partez donc en courant. Et vous êtes arrêté par quelques broussailles. Vous vous heurtez à certains troncs d'arbres. Malheureusement, vous essayez d'aller trop vite et cela n'a d'autre effet que de vous ralentir plus qu'autre chose. En tout cas, dans votre course, c'est freiné. Jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau au niveau de la maison et où vous découvrez la porte grande ouverte, telle ce que tu l'avais suspecté, Paladin. Quelqu'un en effet visiblement tentait de vous faire sortir d'ici. Et sans grande surprise, lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous retrouvez cette dernière sans dessus-dessous. Quelqu'un a visiblement fouillé. La trappe est ouverte et le tapis déposé sur le côté. Mais si quelqu'un se trouve encore ou non au niveau du sous-sol, ça, vous n'en avez aucune idée. Bien entendu. En tout cas, pour l'instant. Il va falloir faire une... Enfin, du coup, je parle doucement. Bon, déjà, bon, parce que si jamais elle est là, ne pas trop se signaler, même si de toute façon, on va pas être le plus discret du monde, mais... il va falloir, de toute façon, vérifier en bas. Soit nous avons quelque chose pour la déloger là, je sais pas si vous avez moindre projectile... Ou alors, je m'occupe de descendre bouclier en avant. Le bouclier est une excellente arme sous-estimée. Moi, je prends mon arc. Et j'observe les alentours de la cabane. Tu observes les alentours de la cabane? Non. Ok. Du coup, si personne n'a de projectile, je fais ce que je dis, je descends et j'utilise mon bouclier. Alors, juste de savoir ce que font les deux autres personnes. Tout à fait. Bah, moi, je vais sortir mon gourdin et je pense que je vais descendre avec Paladin. Très bien. Gunter? Je vais... Tout le monde descend, là? Il y en a deux qui descendent et il y a Edward qui fait le tour de la maison. Je vais rester en haut d'escalier, moi, personnellement. Ok, très bien. Donc, nous allons commencer par Paladin. Tu t'empares de ton bouclier, tu le places juste devant toi, et tu commences à faire un pas au niveau des escaliers. Je vais te demander un jet de discrétion. Oh, ça tombe bien, je suis très discret comme personne. C'est pas comme s'il y avait de la plate qui faisait... Oh! Ah. Oh mais non! Vas-y, eh, c'est chiant, je dois faire 11. Bon bah j'ai fait 10. Alors que j'ai 2. J'aurais aimé avoir ce petit 9. En effet, malgré ma cause de ton armure en plaque, à chaque fois que tu marches, on entend quelques clink. Je suis relativement discret. Disons, pour quelqu'un d'armure. Malgré tout, tu arrives à peu près à descendre sans faire trop de bruit. Malheureusement, tes yeux sont de nouveau habitués à la lumière du jour et tu ne vois absolument rien pour l'instant dans la pénombre de la cave. Alors, du coup, j'ai une question. Un jet de perception. Oui. Ouais, du coup, j'ai une question en termes de perception juste pour savoir comment je me pose. On est d'accord qu'on le sait, il n'y a qu'une seule entrée, parce que ça, je le sais, mais est-ce que c'est genre assez élargi autour de l'entrée ou ça se referme et du coup, je peux la bloquer avec mon unique corps? Ou est-ce que quelqu'un pourrait me contourner? C'est ça l'idée en gros. Ah, pour l'instant, ouais. De la manière dont tu descends, non, a priori, tu pourrais plus ou moins bloquer. D'accord. À moins que là, vraiment, la personne ne se colle et je te passe vraiment juste derrière, mais... À partir du moment où tu fais attention, a priori, tu le verrais venir. Très bien, merci. C'est juste pour savoir. Du coup, j'ai fait 7. Tu m'as dit, c'était sur quoi ? Perception, ça fait 5. 5 et 7. 12, je crois. Est-ce que moi, je devais faire le G ? Toi, en effet, je veux bien te demander aussi les deux mêmes jets, discrétion et puis perception. Du coup, c'est une réussite. Mmh. C'est ça, Maxime. <tu as raison. rire> Donc, discrétion et perception, c'est bien ça ? C'est ça. Exactement. C'est ça. Ah bah, je le réussis d'office. Hein. Donc, 11 plus 6, bah, 17. Comment ça, 17 pour avoir 11 ans. Il y a 11 ans de compétences. Il faut faire deux gestes séparément. Ah, pardon. Ah oui, non, excuse-moi. Désolé, moi j'ai entendu plus. J'ai fait, ah bah, c'est peut-être dans les... Désolé. Ah oui, non, il y a... Oui, description, donc 11. 12, du coup, j'aurais dit. 12, et le deuxième, pardon. Bah, 9, donc 9 plus... Donc lui, il voit pas, mais il est discret. Ah bah si. Ah oui, il a sondé. Il réussit tout, quoi. Ouais, il voit, il est discret. 12 et 14. Parfait. La criminelle est-elle assez habituée à devoir furter dans certains coins un peu sombres et justement sait comment repérer le plus rapidement possible sa cible. Vous descendez donc juste à l'intérieur de la cave et au premier abord vous ne voyez absolument rien. Toutefois, un second temps, alors que vous observez à droite à gauche au niveau des murs, vous n'observez rien non plus. Vous faites quelques pas vers l'une des armoires pour vérifier si quelqu'un ne se serait pas caché derrière. Et Gunther, je vais te demander un jet de perception. Ok. 10. C'est un échec, donc. Il va pas voir arriver une personne. Gunther, à un moment, tu sembles entendre, juste derrière toi, craquer une latte de parquet ou autre. Et alors que tu te retournes, tu vois un violent coup, juste la silhouette d'un gourdin, d'une masse ou peut-être d'un objet lourd, fou, atterrir sur ton crâne et tu tombes en arrière. Dans les escaliers. Vous deux, non, à l'étage. Vous entendez tous les deux un boum à l'étage. Jeanne, allez-y, faites-moi rapport, s'il vous plaît. Jeanne, alors que tu te retournes et que tu t'apprêtes à gravir jusqu'à l'étage, tu aperçois la silhouette de la trappe se refermer. J'essaie de sauter pour, je sais pas, je peux pas essayer d'interposer n'importe quoi. Fais-moi un rapide d'athlétisme. Quatre en tout. Tu sautes malheureusement trop tard. Bam. Cette dernière se referme. De ton côté, Edouard, fais-moi également un jet de perception. Alors que tu es dehors et que tu essaies de regarder au loin ce qui pourrait éventuellement apparaître. 13. Ok, 13. À un moment, tu t'apprêtes à toquer au carreau pour donner un signe de vie quelconque à Gunther. En tout cas, tu n'as rien aperçu autour de la maison. Et en jetant un coup d'œil par la vitre, tu aperçois une silhouette encapuchonnée noire traîner le corps de ce dernier sur le lit à baldaquin. Je cours à l'intérieur et, okay. Et je prends ma hache en courant. Tu te précipites à l'intérieur en dégainant ta hache. Et tu arrives droit face à cette silhouette. Tu vois qu'elle est relativement maigre. Et qu'elle est armée d'une espèce de gourdin un peu similaire à celui que pourrait porter Jeanne, par exemple. Qui êtes-vous ? À ce moment-là, la silhouette se retourne. Tu as du mal à distinguer le bas de son visage. La plupart de ce dernier est plongée dans l'ombre due à l'espèce d'ample capuche qui la couronne. Tandis que le reste lui semble étonnamment un... invisible, pas dans le sens transparent, mais dans le sens difficilement perceptible. Indistinct. Posez votre arme et montrez-vous. À ce moment-là, tu vois la silhouette déposer très lentement son arme en levant simplement la main dans ta direction, comme pour te faisant signe de baisser la tienne. Je suis sur mes gardes quand même, je suis pas genre... À ce moment-là, tu vois qu'elle pose également le pied au niveau de la trappe, comme pour s'assurer que cette dernière reste bien fixée au sol. Poussez-vous là, et ouvrez-moi cette trappe. Poussez-vous. Et je la menace avec ma hache. Tu vois la silhouette légèrement reculée. Et pendant sur la Gunter, toi, je vais te demander un jet de défense. Qui fait défense ? Toi. Ok. Douze. Très bien. À ce moment-là, toi, tu commences un peu à reprendre tes esprits. Tu vois que le coup n'était pas extrêmement violent non plus, t'en as pas du tout été assommé. Simplement, tu t'es écroulé au sol quelques instants. Devant toi, de dos, tu aperçois la silhouette encapuchonnée noire. C'est la même qui s'en est pris à toi. Relever légèrement l'espèce de trappe. Et toi, Jeanne, tu es de nouveau, en tout cas, tu vois de nouveau en haut s'ouvrir et les rayons du soleil apparaître. Tu te précipites vers l'étage, et malgré tout, de ton côté, Edouard, tu es désormais donc séparé avec la silhouette par la fameuse trappe, et tu vois cette dernière, d'un seul coup, se jeter en direction de la fenêtre. Elle se précipite sur cette dernière, plonge, et tu entends le bruit de la vitre brisée. Et cette dernière s'ouvrir, tandis que la silhouette roule par terre et s'éclate dans la boue. Assez rapidement, je prends mon arc, j'essaie de très rapidement décocher une flèche et tirer dans la jambe. Je vais te demander un jet de à distance. Quatorze. Ouf. Tu aperçois au loin la silhouette titubée après s'être relevée. Elle semble avoir des morceaux de verre plantés dans son espèce de grande tunique. Et elle court, tandis que la flèche, d'un seul coup, lui atterrit et se plante dans sa jambe. Tu la vois essayer de partir au loin, essayer de s'effacer à travers les arbres, avec cette dernière la ralentissant forcément. Tandis que Jeanne remonte à l'extérieur. A priori, tu penses qu'elle ne pourra pas aller bien bien loin. De toute façon, je pars à sa poursuite et je demande à Jeanne de venir avec moi. Parce qu'a priori, je pense qu'on doit être les deux plus rapides. Jeanne, venez avec moi. J'arrive. Très bien, vous partez, faites-moi chacun un jet d'athlétisme. 12. Edouard, je vais te demander de refaire un jet. On est en égalité. Malgré la fin, je vais un jour. J'ai la connexion qui est un peu cracra. J'ai 10. Eh bien, malgré sa flèche dans la jambe, la silhouette, après quelques minutes de course à travers les bois, où vous sautez par-dessus quelques branchages, puis finalement, tu la vois complètement disparaître au loin, parmi les branches et les arbres. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Jeanne ? Elle a été distancée dès le début, malheureusement. Ah d'accord, parce que j'avais pas entendu son jeu. Est-ce que je peux pas traquer le sang qui pourrait s'écouler sur le sol ? Fais-moi un jet de perception. 11. En effet, tu aperçois des traces de sang nettement qui Au bout de quelques instants, t'amène au niveau de l'espèce de chemin principal, celui de la même que vous avez emprunté pour vous rendre ici. Et donc celui qui conduit à la ville. D'accord. Donc j'ai toujours mon arc en main. Je suis... essayer de voir au loin si je vois pas quelque chose qui pourrait être cette personne. Refais-moi un dernier jet de perception. Assez rapidement, au loin, au niveau d'un espèce de contre-haut, tu aperçois une dernière fois la silhouette se retourner. Tu vois qu'elle s'est stoppée quelques instants pour retirer la flèche avec et accrocher, en fait, retirer sa tunique et en accrocher un morceau, une espèce de manche qu'elle déchire dans la hâte au niveau de sa jambe. À ce moment-là, elle est alors relativement loin de toi. Et semble t'apercevoir quelques instants, semblant juger de voir si tu t'apprêtes à nouveau ou non à se lancer à sa poursuite. Et c'est seulement à ce moment-là que tu remarques ce qui la rendait si difficile à distinguer à première vue. C'est que malgré l'ombre et à contre-courant de la lumière qui tout à l'heure illuminait une partie de son visage, elle a en réalité le corps recouvert d'étranges tatouages. Ce qui semble assombrir une grande majorité de ses petits de peau visibles. Mais ça, tu ne distingues qu'une fois la tunique jetée au sol. Et elle disparaît complètement cette fois-ci dans les bois. Tu peux, si tu le souhaites, de nouveau t'élancer à sa poursuite. Mais sans nul doute que tu perdras le reste de tes compagnons. Ouais, non, je vais arrêter là, de toute façon ça ne servira à rien, je suis tout seul et si jamais elle rencontrait des alliés potentiels, je serais pas en bonne posture, donc je retourne voir les autres. Ok. Très bien. Je pense qu'on peut... Vous, quelques instants plus tard, Jeanne, toi, donc, je te l'ai dit, malheureusement, tu t'es lancé à sa poursuite, mais tu l'as perdu assez rapidement de vue, ils t'ont assez facilement distancé, sans doute, causé par ta petite taille. Et tu t'en vas retrouver les deux autres, tes deux compagnons, au niveau du bâtiment principal. Enfin, du seul et unique bâtiment, d'ailleurs. Okay. Toi, Paladin, également, tu ressors, enfin, tu es depuis ressorti de la cave. Forcément, tu ne t'es pas lancé à la poursuite, vu ton armure, ça aurait été peine perdue par rapport à ce genre de personnes. Vous voyez, au bout de quelques instants, revenir Bredouille. Edouard, bien que vous sachiez que ce dernier a tiré une flèche, a priori, bien placée sur la cible, et que cette dernière ne pourra sans doute pas aller trop trop loin. Quand je reviens à leur niveau... mes amis, comme vous avez pu vous en rendre compte, je n'ai pas réussi à l'arrêter, mais j'ai eu, pendant ne serait-ce que quelques secondes, la possibilité d'avoir un aperçu de cette personne, et a priori, elle aurait des tatouages sur tout le corps, sur le visage. Quel genre de tatouage ? Quel genre de tatouage ? J'ai vu que des silhouettes abstraites au loin, des cercles, des spirales, peut-être des choses un petit peu plus géométriques comme des étoiles ou des croix. Mais bon, forcément, elle était loin à ce moment-là et en tout cas suffisamment loin pour que tu ne te jettes pas à ce moment-là sur elle, puisqu'elle était à de nombreux mètres. Donc tu ne saurais pas non plus les décrire avec une précision extrême. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle ne ressemblait pas à la sœur que nous avons vue. Après, peut-être que cela pourrait être la personne qui s'est échappée de sa maison un peu plus tôt. Oui, ça peut être la sœur. La sœur. Oui, la sœur de la sœur. Ah oui, la sorcière. Mais elle s'est fait brûler. Entre ce qu'on raconte et des fois la réalité. Tiens, bonne question, est-ce que je l'ai vu se faire brûler ? Fais-moi un jet de savoir avec un bonus de 2. Moi aussi je peux ? Fais-moi un jet de savoir avec un bonus de 2. Pour savoir si vous étiez là. De ton côté, Jeanne, en effet, non, toi, tu n'étais pas présent, tu avais profité de la distraction faite par la foule pour aller fouiller quelques maisons, tandis que toi, Edouard, tu avais bel et bien assisté, et tu te rappelles très nettement, en effet, avoir vu une femme conduite sur le bûcher et brûlée devant tout le monde. Donc, en tout cas, accusée de sorcellerie. Donc sur le coup, elle ne semblait pas démentir quoi que ce soit de ce que la foule l'accusait, bien que ses yeux trahissaient forcément une certaine peur parfaitement compréhensible. Donc oui, Paladin, excusez-moi, mais j'ai assisté à sa mort. Oui, vous avez assisté à il y a quelques jours de ça à la présence fantomatique de son mari. Vous considérez bien que selon ce qu'on sait qui existe, il n'est pas improbable qu'elle ait peut-être un plan de secours. Je ne dis pas que c'est elle, je dis juste que c'est une hypothèse à ne pas renier. Bah, une fois que tu me dis ça, je reprends la croix et je l'embrasse et je la tiens. Personnellement, je l'endosse. Si vous voulez mon avis, et si notre ami Edouard dit vrai vis-à-vis des étranges tatouages sur le visage de la personne, d'après moi, il ne s'agit pas d'une personne qui fricote ou qui a un certain contrôle sur ses forces, mais quelqu'un qui en est victime. J'ai déjà croisé moi-même une personne qui semble correspondre à sa description, et c'était un corps vide. Qui était ce qui vivait en lui était une force démoniaque pure. Mais là, si je ne me trompe pas, la personne auquel vous faites allusion, puisque j'étais là, quoique vous soulevez en fait un bon point. Moi je tiens ma croix. Vous pensez qu'on serait exactement sur le même cas? Quelque chose de semblable. Toi, il n'était pas particulièrement hostile Il était dans une cage. C'est pas faux. Il a quand même été très bavard. Mais après tout, on va pas tirer généralité d'un seul cas. Ça avait fini à Avignon, cette histoire. Si c'est bien ce que vous pensez, comment peut-on réagir face à ça? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. Je disais que nous étions à Avignon pour résoudre le cas la dernière fois, mais nous avons plus les mêmes forces en puissance aujourd'hui. Du coup, si jamais c'est bel et bien ça, comment peut-on y faire face? J'imagine qu'on trouvera un moyen et... Je pense de toute manière que nous devrions, une fois qu'on aura terminé avec ce qui se passe ici, aller revoir la dame, dont j'ai oublié le nom, qui semble, d'après moi, être sûrement à l'origine d'un tel événement. Si elle n'a pas déjà fui la ville, on a été très amateur. Oui, mais n'oublions pas que pour l'instant, pour nous, elle est plus victime. Mais ne partez pas, voyons, merci. N'oubliez pas que pour l'instant, elle est plus victime que coupable de notre point de vue, du moins du mien, et je m'estime plutôt juste dans mes prédictions là-dessus. Si jamais ce que vous dites est vrai, je peux comprendre qu'elle soit un peu obligée d'agir face à cette entité. Donc... Allons-y. Mais soyons quand même, je n'ai pas le terme, mais plus gentils, notre façon de faire. Oui, soyons plus gentils. Mais indulgents. Ouais, indulgents. Mais Edouard, Monsieur Edouard et chère Jeanne, si vous voulez mon avis, soyez prêts tout de même à ce que ça puisse mal se passer une fois qu'on sera de retour. Excusez-moi, mais ma récompense, Vous l'aurez, je suis un homme de parole, même si a priori notre ami. Mais frère, vas-y, il est mort. Ouais, donc, mais moi, mais... non. Vous confirmez que vous l'avez toujours? Bien entendu. Oui. Ok, très bien, ça me convient en ce cas-là, mais. Attention, pas d'entourloupe. Ok. Et je vous prie de plus ne mettre en doute ma parole de chevalier, c'est quand même la deuxième fois. Oui, bien, c'est pas parce que vous êtes un chevalier que vous allez pas me mentir. Nous n'avons pas tous la même définition de la vertu. Bon, alors quoi ? À tel point que on vous entend deux fois tellement vous dites la vérité. Merci. Alors, vertu n'est pas forcément synonyme de vérité. C'est sa voix qui résonne sous le casque. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écho, il y a beaucoup d'espace. Donc, et vous aimez beaucoup les masques, de ce que je comprends, monsieur. Oula. Oh, Jeanne, un peu de... Hein ? Se calme. Gunther, malgré le coup que tu as pu prendre sur le haut du crâne, je ne te retire pas de point de vie. Parce que ce n'était pas une action spécialement violente, elle visait plus à te mettre hors d'état directement plutôt que de blesser, clairement. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les blessures dans les jeux de rôle. Toutefois, tu réalises que... comment dire, un peu de temps après avoir eu cette discussion... sur ton livre, l'une des pages semble dénotée du reste, tandis que il me semble qu'Edouard souhaite faire quelque chose. Oui, je demandais juste à savoir, est-ce que quand j'ai vu la personne au loin, j'ai pu me rendre compte si c'était un homme ou une femme ? En effet, il s'agissait a priori d'un homme. D'un homme ? Ah, donc ça change pas mal de choses. Et je dirais même plus, Paladin... À tel point qu'il me semble que c'était un homme. Ce qui enlève la suspicion sur la sœur. C'est un très bon point du coup là-dessus. Je ne peux qu'approuver. Donc nous cherchons un homme blessé avec des tatouages. Ce que je disais, Gunther, c'est au niveau du livre, tu reconnais certains passages qui semblent montrer quelques dessins. Et l'un d'entre eux semblerait... En tout cas, sur le nouveau donc, que tu as récupéré, pas celui que vous aviez récupéré chez la femme, mais celui que vous aviez récupéré ici, reconnaître le symbole tracé en bas. Là, on part du principe qu'il y a quasiment une demi-heure, une heure qui se sont écoulées depuis l'affrontement. Entre-temps, vous vous êtes posé. Excusez-moi, j'ai pas entendu la narration. Je disais que ça s'est passé, tout ceci se passait environ une heure après les actions précédentes. Est-ce qu'il y a une légende dans mon bouquin à côté du dessin ? En effet, tu y vois quelques inscriptions en latin, tu arrives sans trop de problèmes à les lire. Et tu réalises en effet qu'il s'agit bel et bien, sans doute en tout cas, du passage qui t'intéresse. Lequel livre est en relativement bonne qualité, et tu lui arrives par exemple à comprendre, en tout cas déjà à redistinguer de nouveau le reste du motif, mais également comprendre qu'il s'agit là d'une sorte de rituel, et que ce dernier est peut-être celui qui vous intéresse en tout cas. Mm-hmm. Il vous demande simplement de tracer la forme avec du sang, de relier les extrémités de cette dernière par des bougies, de te placer au milieu et tu es censé réciter un certain texte. Évidemment, ce dernier a l'air complètement incompréhensible. Et normalement, celui-ci est censé attiser les torches et tu es censé voir quelques fluctuations au niveau des flammes. Si tel est le cas, le livre t'invite à cette fois-ci t'ouvrir la main avec... un certain type de dague, en tout cas sur lequel semble être également inscrit quelques autres runes, en tout cas, ils en donnent quelques noms. Et réciter de nouveau un nouveau texte, également incompréhensible. On dirait une espèce de langage démoniaque avec des accumulations de lettres formant des mots étranges, tout droit sortis d'un jargon guttural... oublié. Et à ce moment-là, si la première étape a bel et bien été réalisée, tu es censé pouvoir créer une passerelle entre votre monde et celui des enfers. Tu comprends donc que le livre que tu possèdes actuellement n'est pas du tout commun, et déjà qu'un livre est rare, celui-ci l'est vraiment d'autant plus. Il est également indiqué que les enfers n'aiment pas qu'on leur fasse perdre leur temps, et que si jamais vous venez pactiser avec eux, vous avez intérêt à avoir un prix à payer, en tout cas à hauteur de la demande que vous vous apprêtez à faire. J'imagine. Mais ça, a priori, tu es bon avec cette partie. Mes amis, est-ce que vous voudriez que on prenne le temps peut-être de rechercher le corps de frère Basile, ou on l'abandonne aux bêtes sauvages? Est-ce qu'on a... on n'a pas encore quitté la maison, hein? Pas encore. Si, d'accord. Enfin, pour moi, vous vous trouvez encore actuellement à l'intérieur, vous n'avez pas fait part de votre envie de la quitter. Bah, c'est-à-dire qu'on sait que notre objectif, ça avait parlé, et en fait, peut-être plus intéressant, je pense, d'aller immédiatement aller voir la sœur, on va l'appeler comme ça, plutôt que de perdre peut-être quelques heures de recherche pour retrouver un corps, alors que de toute façon, sûrement des loups seront déjà passés par là. D'accord. Personne mérite, bien entendu, peut-être un peu plus de respect, mais vous comprenez qu'on est dans des circonstances particulières. Je comprends. Après, c'est... Voilà, côté de trouver une... qui repose en paix et en terre. Mais je comprends. Si jamais nous trouverons son cadavre d'ici là, on s'engage à, bien entendu, faire ses obsèques. Ses obsèques, oui. Merci. Ce n'est pas parce que je suis paladin, voyons, que je connais la religion. Non, voilà. Mais du coup... Si on part directement, je vais juste en profiter pour... Enfin, je vais pas en profiter du coup, mais je vais aller et je coupe. Où ça? Il est allé, ça y est. Je vais aller dans la cave et juste récupérer tout ce qui peut être intéressant, ne pas le laisser ici, parce qu'a priori l'endroit est surveillé et fouillé. Donc, okay. On va pas laisser les choses intéressantes là-dessus. Ça, là, tu rassembles les affaires... qu'il te faut, j'imagine que vous prenez tout ce qu'il y a d'intéressant, tu mets ça dans une espèce de petit baluchon et ou dans l'un de vos sacs, et puis au bout d'environ une heure, vous êtes prêt à faire la route. Là-dessus, vous repartez, vous ressortez définitivement de cette vieille bicoque et vous empruntez à nouveau le chemin de Acton. Ça va faire deux jours que vous êtes parti. Et de nouveau, vous vous enfoncez au milieu de silhouettes oppressantes de tous ces arbres. Et vous reprenez ce qui, a priori, pourrait être la piste qu'a plutôt emprunté votre ami. Enfin, votre ami. Votre assaillant. Mmh. Ouais, vous retrouvez le reste, pour commencer, de votre toge. Enfin, de sa toge, décidément. Celle-là même qu'il a déchirée pour se faire un bandage, vous retrouvez quelques mètres plus tard un bout de flèche cassé et jeté au sol. Suivi de quelques gouttelettes de sang qui vous mènent également jusqu'au niveau du village. En tout cas, le chemin qui l'y emmène. Vous commencez à avoir relativement faim. Vous n'avez pas pris le temps de préparer le sanglier, donc vous le transportez avec vous. Vous pourrez toujours l'utiliser et le manger une fois arrivé là-bas. Ça vous fait en effet malheureusement un poids supplémentaire à transporter. Qui vous ralentit également. Le trajet jusqu'au retour va se passer plutôt bien. Vous ne tombez sur aucun ours, sur aucun malade, vengeur, sur aucun fantôme, sur aucun assaillant, sur aucun cerf, sur aucun cadavre suspendu à la moindre branche, sur aucune cabane. Et au bout de quelques heures, vous apercevez entre la cime de deux arbres les premières silhouettes des toits d'Acton. Vous en déduisez qu'il ne vous reste qu'une heure ou deux de marche. Pourtant, lorsque vous vous approchez de la sortie de la forêt qui elle-même débouche sur le petit chemin menant au village, la route du bois, vous tombez face à la silhouette de quatre gardes qui semblent vous y attendre. Bonjour, bonjour. Parmi eux, vous retrouvez à nouveau le chef de la garde, qui est une espèce de géant au crâne rasé. Vous n'êtes pas encore devant chez vous. Enfin, pas encore devant chez Edouard. Okay. Bonjour, voyageur. Écoutez, on a une personne est venue nous voir pour nous dire certaines choses sur vous. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le frère Basile a disparu de la ville il y a quelques jours. Écoutez, mon... Pardon ? Depuis quelques jours. Oui, il y a environ deux nuits de cela. Ouais. C'est quand on est parti. Okay. Écoutez, On était pas au courant. Qu'est-ce que... Ouais, vous êtes sûr que vous n'avez rien à voir avec ce qui lui est arrivé ? Pas du tout. Il nous a... Nous sommes... Nous avons été embauchés, si je puis dire... Par ce frère Basile pour enquêter sur des choses assez troubles qui se passent dans Acton. Enfin, voyons, vous nous connaissez. Nous ne sommes pas des étrangers. Ouais, je vous connais, ouais. Nous ne sommes pas des étrangers d'Acton. Fait, vous savez, on raconte des choses étranges sur vous, Edouard. Il paraît que vous nous avez pas tout dit, tandis que vous, là... Espèce de criminel notoire, on vous voit fureter autour des maisons. Je ne vous permets pas. Qu'est-ce que vous avancez là ? J'avance que vous êtes des traîtres et des hérétiques. Mais vous savez quoi ? Notre source, elle nous a dit qu'on n'avait qu'à vous fouiller et qu'on trouverait ce qu'on chercherait sur vous. Très bien, fouillez-nous. Très bien. Du coup, Je pense que dans ma tête, hein, c'est sûr, hein, que Gunther a le livre qui pourrait voilà maintenant vous incriminer a priori. Oui. Après peut-être c'est le moment de jouer franc jeu avec eux et dire ce que pourquoi le frère Basile nous a embauchés et qu'ils sachent. Ce qu'ils vont trouver, ils vont le trouver de toute façon. Donc. Mais faisons de toute façon ce qu'on a à faire. De toute façon, on peut pas en discuter. Là. Oui. Donc vous vous laissez fouiller. Ouais. Moi en okay. premier. De toute façon, alors, je suis en armure, c'est beaucoup plus. Voilà. Attention aux échos. Planquer mes crochets. J'aimerais juste essayer de planquer mes crochets parce que bon, c'est pas. Pendant qu'ils sont en train de fouiller. Paladin, votre ouais. source, vous dites que elle nous accuse de troubles ou d'hérésie, si je puis dire. Mais avez-vous une complète foi en cette source ? Écoutez, ce que je pense de cette femme ne vous regarde pas, alors taisez-vous s'il vous plaît. Cette femme. À ce moment-là, vous voyez l'un des petits jeunes avec un casque qui s'approche du paladin en armure. et qui commence en effet, alors premièrement, alors pas vraiment à te tâter parce qu'il n'y aurait pas grand chose à essayer de distinguer en dessous, mais pour commencer à te désarmer et à jeter tes armes sur le bas-côté. Alors, quand il le fait, je lui ai pris juste de les jeter de manière. Ce sont des armes sacrées de l'église. Donc, voilà, ouais, d'accord. Pendant qu'il fait ça, il pose ton épée, il prend ton bouclier, il le pose également. Vous allez avoir honte, je le remercie. Vous voyez bien que ce sont des saints hommes. Un frère Edouard, et un arrêtez, paladin. S'il vous plaît. Mais je comprends leur métier. Ils verront que nous n'avons rien à nous reprocher. Allez donc. Fais-moi un jet de charisme, paladin. Ah, ça tombe bien, je suis fort. Attends. La feuille est là. Ta soupe est prête, Charlie. Exactement. Ah, ça vient pas de chez moi. Eh non, ça vient de chez moi. J'ai fait 13. Hein. Ok. À un moment, tu vois qu'il commence à relever et à voir ta silhouette imposante devant lui. Est-ce que je dois lui demander de retirer son armure pour vérifier s'il a rien caché en dessous? T'as fait 13, tu m'as dit? 13. Et tu vois le chef des gardes, celui qui a le casque retiré, le seul qui n'a pas son casque. Non, c'est bon, laisse, passe au suivant. À ce moment-là, l'autre, tu vois qu'il s'avance de toi, vers toi, Edouard, et qui commence également à récupérer ton arc et à le poser au sol, ainsi que ta hache. Mmh. Il fouille. Alors lui, tout de suite, il va beaucoup plus te tâter. En effet, toi, t'as pas beaucoup d'affaires. Il demande de poser le sanglier également que tu portes sur les épaules. Bah, j'ai déjà posé. Et tu vois qu'il arrive à distinguer la silhouette de la croix autour de ton cou. Oui. Je comprends que vous portiez ça après ce qu'on m'a dit sur vous. Bon, allez, il a rien non plus. Je passe sur celui d'après. À ce moment-là, Gunther, toi, tu vois l'homme qui s'approche de toi. Et qui commence, du coup, également à te fouiller. Je n'ai pas sans savoir que tu transportes donc ton livre accroché à ta ceinture. Tu vois que lui ne te demande pas de retirer ta canne, et j'aimerais savoir où se trouve ta dague. Elle se trouve sûrement à ma ceinture, normalement. Ok, dans ce cas-là, il la récupère et la dépose par terre au niveau des autres armes. Tandis que vous voyez, vous, les deux autres qui vous tiennent plus ou moins au niveau de leur lame, en tout cas à quelques mètres, l'air de dire que si vous bougez, elles seront pour vous. Est-ce que vous pourriez me laisser jeter un coup d'œil à ces livres que vous transportez? Ouais, bien sûr. Pas de nom. Tu vois qu'il ouvre et qu'il commence à regarder. Chef, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas lire. Tu vois le chef qui se sent relativement stupide. Mais ça a l'air d'être hérétique ce qu'il y a dedans. Elle nous aurait quand même menti. Pardon? C'est du jbabou. Vous connaissez pas? C'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays d'Orient, très complexe. L'Orient? Ah oui, non mais on dit que ce sont des saints hommes du royaume du prêtre Jean, vous savez, qui guidés par Dieu ont rédigé ces livres un peu, c'est un peu une sorte de Bible, on va dire, mais c'est du jbaboubou. Donc du coup, c'est un peu plus simple, c'est pour les gens comme nous, ceux qui savent pas lire, c'est des dessins, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très intéressant. Fais-moi un petit jet de charisme, avec un bonus de 2. Parce que le roleplay est pas mal. Du short bobo. C'est avec un bonus de 2, quoi. Attends, quoi? Un bonus de 2. Donc 5 en tout. Non. 8. Ok, bon, ça passe quand même pas. Ça m'a l'air bien beau, cette histoire, mais vous savez que nous, le Moyen-Orient... C'est clairement l'un des signes qui pourrait nous indiquer que ce que vous lisez n'est pas autorisé. Mais enfin, alors voilà ce qu'on va faire. Jérusalem est au Moyen-Orient. Et pourtant, c'est la ville sainte. Êtes-vous en train de dire que la terre sainte ne serait pas... sainte? À ce moment-là, tu le vois qui jette quelques petits coups d'œil au niveau de ses camarades pour essayer de jauger leur expression faciale. Et les deux premiers restent impassibles et le regardent, l'air de dire « c'est ton problème, c'est toi qui gères ça ». Tandis que le chef, lui, commence à s'impatienter et presque à péter un câble. Moi, je reste serein. Ouais, toi, tu restes complètement serein. Tu vois que cette attitude l'énerve. En fait, en réalité, tu comprends clairement qu'il avait aucune idée de quoi vous demander. Il s'attendait juste à vous voir commettre une erreur, tenter de s'en prendre à eux, ou en tout cas d'avoir une justification pour vous attaquer. Même s'il a l'air étonnamment renseigné sur ce que vous pourriez transporter. Bon, écoutez, confisquez les livres. Désormais, ces derniers seront la propriété de l'église. Ah, mais je suis l'église. Tu vois, en plus, t'as ce ton pour le dire instantanément. Ta réponse à tout, et tu sens que ça l'énerve, mais tu sens qu'il sait pas quoi dire, et que malgré tout, il peut pas juste dire à ces mecs « tuez-les ». Parce qu'il a clairement l'air d'en avoir plus ou moins l'intention, en tout cas, il semble relativement hostile. J'imagine que vous l'avez plus ou moins compris. Mm-hmm. Mais que malgré tout, il faut qu'il puisse justifier quoi qu'il fasse. C'est pas ce que nous a dit notre source. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se rendre au niveau du monastère, enfin de l'église, pardon. Et on va donner ces livres à quelqu'un qui sait lire. Il nous dira si oui ou non vous nous avez dit la vérité. Soit. Ça vous fait plaisir. Mais vous pouvez nous avouer dès maintenant quelles sont vos réelles croyances. Et sachez que certains d'entre vous seront sans doute épargnés. Dieu est clément. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va aller à l'église immédiatement. Mais dites-moi, serait-il possible de confronter votre source, puisque elle a l'air de nous accuser, mais j'aimerais bien savoir qui m'accuse. Notre source est anonyme. Et nous la protégeons, car nous protégeons les biens penseurs de ce monde. Écoutez, Edouard, nous pourrons négocier au moment où ils auront totalement prouvé notre innocence, chose qui ne posera aucun problème, puisque nous allons faire toutes leurs démarches, certes inutiles, mais nécessaires. Et une fois faites, nous pourrons peut-être discuter, voyant que nous sommes... De bonne foi, oui, je sais. Exactement. Je vais à contre-cœur, je me résous à... Bon, eh bien, retournons en ville. À ce moment-là, le chef commence à emboîter le pas, puis d'un seul coup, il se retourne. Non, attendez, non, finalement, on va plutôt rester là. Toi, tu vas en ville chercher un prêtre. Il pointe un de ses gars. Lui, il jette quelques coups d'œil au niveau de ses amis. D'accord, j'y vais. Mais allez-y, dépêchez-vous. À ce moment-là, tu vois, cette réaction, on l'étonne, et il commence à partir. Bon, en attendant, nous, on va attendre juste ici, d'accord? Vous sentez que la situation commence à s'éterniser. Et vous êtes là, immobile, alors certains d'entre vous sont désarmés. Ils sont pas dirigés vers toi pour l'instant, Jeanne, qui est du coup toujours équipée de ton gourdin, qui pendouille à l'arrière de ta ceinture. Moi, je m'assois par terre, oui, normalement, parce que j'en ai marre de rester debout. Ok. Je garde la stature militaire. Ok, toi, tu restes droit. Je peux cuire un morceau de mon sanglier, si c'est possible, parce que je commence un petit peu à avoir faim. Vous en voulez? Fais-moi un jet de charisme. Attends. Non, ça ne passe pas. Ça fait 9. Depuis quand encore? Je vous propose. Faudrait pas que je fasse cuire toi-même ton sanglier? Soit. Vous attendez quelques temps, et puis un peu plus tard, en effet, vous voyez l'autre garde revenir accompagné d'un des membres de l'église locale. Vous sentez donc clairement qu'ils tiennent pour l'instant à vous gardé à l'écart de, en tout cas, de ce que pourraient voir les quelques fermiers. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a actuellement personne dans les champs, ce qui n'est pas censé être le cas normalement, en tout cas pour Jeanne et Edouard. Vous savez qu'habituellement, il y a toujours quelques personnes proches du moulin en train d'essayer de soit planter, soit récolter le blé et les céréales. Et d'ailleurs, où sont les gens ? On travaille pas aujourd'hui ? On leur a demandé de rester à l'intérieur, que c'était plus prudent, après ce qu'on nous a dit sur vous quatre. Ok. Vous voyez un petit jeune qui se ramène, donc en effet, le prêtre, et l'autre qui lui fait « Toi, lis-moi ça ». Comment elle s'appelle ta langue, toi, tu m'as dit ? Dit-il en te regardant, toi, Jeanne. Le chemin Poupou. Tu connais le chemin Poupou ? Vous voyez l'autre complètement perdu, qui sait pas trop ce qu'on lui demande, qui commence à essayer de lire. Non, c'est un... Il est en tenue de prêtre ? Genre c'est ouais, prêtre ? C'est un prêtre. Ah. Bah du coup, moi, j'interviens immédiatement, genre je coupe la discussion, je m'en fous. D'accord. Je lui fais salutation. Bonjour mon frère. Je peux connaître votre nom ? Ah bien sûr, frère Phileas. Ah, enchanté, frère Gunther. On m'a demandé de vérifier vos bons dires. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Mais je crois non. Ok. Et dans ce cas-là, il recommence à lire. C'est étrange, où avez-vous eu ce livre ? Comment ? Je disais que c'était étrange, où avez-vous eu ce livre ? Le début ne me semble pas familier. À quoi ? Attends, désolé, je reviens. Bon là, le chef des gardes s'énerve. Arrêtez de jouer à l'idiot, répondez à sa question. Ah, il a dit que le livre n'était pas familier. Et il demandait où est-ce que vous l'aviez eu. Ah, pas familier, c'est sûr. Il vient des... certains... il vient de certains hauts cours de théologie. C'est sûr qu'un prêtre de campagne aurait peut-être un peu de mal à le reconnaître. Et si je me trompe pas, frère Gunther, mais vous l'avez eu avant l'Apocalypse, non ? Ah oui. Enfin, je sais pas si dans le jeu, je sais pas si dans l'univers on utilise le terme Apocalypse, mais. Ou généralement les gens qualifient ça plutôt d'invasion. D'accord. Bon, bah, avant l'invasion. Non, t'en fais pas. D'accord. Quelques instants plus tard, vous voyez de nouveau ça s'éternise. Vous êtes là, certains d'entre vous sont assis par terre, d'autres restent droits, tandis que l'autre prêtre, les yeux de tous les gardes rivés sur lui, commence à essayer de lire. Et à un moment, Gunther, tu le sens un peu gêné. Et il y a certaines parties, comment dire... Je le coupe un peu, juste disant. Oui, d'ailleurs, ce livre a été grandement utile, d'ailleurs, pour... ce qui s'est passé à Avignon. Ah, vous étiez à Avignon ? Oui. Je vous ai dit mon nom, non ? Frère Gunther. Attendez, vous voulez dire que vous êtes... le frère Gunther ? L'exorciste ? Écoutez... je ne sais pas si ma réputation est si grande que ça, mais je n'ai jamais croisé un autre frère Gunther, en tout cas. Vous êtes le frère Gunther d'Avignon. Écoutez, vous savez, peu de monde passe par ici, mais nous avons quand même entendu parler, cela fait des années que l'on vante vos légendes. Ça doit être moi, oui, en effet. Je suis un frère Gunther, j'étais à Avignon. J'ai rendu quelques services là-bas, donc ça doit être moi. Je me relève. Je bombe le torse. Justement, cela tombe bien si vous avez... Si votre foi est si puissante qu'à elle seule, vous avez pu vaincre de terrifiantes choses blasphématoires, vous allez pouvoir m'indiquer légèrement, j'ai du mal à comprendre cette partie-là. tu vois qu'il te tend le livre, et en plein milieu d'une page, tu vois une représentation avec une étoile à 5 branches, ah. Avec plusieurs numéros de 9 à l'envers, quelques signes de cornes, une tête de chèvre représentée en bas, et quelques instructions à base de sang de vierge. Et tu le vois extrêmement gêné. J'ai du mal à comprendre ce dont il est fait mention juste là. C'est pas qu'est-ce que vous comprenez pas ? C'est assez évident. C'est pas un livre d'exorcisme, non ? C'est pour conjurer. Exactement. Comme je l'ai dit plus tôt. De haut niveau de théologie d'ailleurs, qui ont été très utiles pour savoir quels étaient les desseins des forces démoniaques à Avignon. Fais-moi un jet de charisme. Et parce que tout le monde sait que les conséquences seront sans doute. Pour combattre le mal, il faut savoir, il faut le connaître. 11. Tu vois, regarder à nouveau le livre. Ah, bah, très bien, alors je. D'accord. Voyez-vous l'espace d'un instant, j'ai. Mais non, non. laissez tomber. J'ai... Donc, il continue de feuilleter rapidement. Je ne vais pas y passer une éternité non plus. Il lit certains passages. S'il commence à faire un peu faim, dis donc. Oui, moi j'ai très faim. Mais monsieur le chef ne veut pas que je cuisine un petit bout de sanglier pour tout le monde. Ouais, il fait son travail, vous savez. Tout à fait. Oui. Eh bien, en fait, je devrais que votre livre me paraît plutôt intéressant. J'ai du mal à comprendre le jargon utilisé à l'intérieur. Ces derniers semblent être tirés d'un dialecte relativement ancien. Mais... Pourriez-vous, si vous le permettez, j'aimerais bien pouvoir approfondir ma... Et à ce moment-là, d'ailleurs, toi, quand tu dis ça, jeune, tu vois l'un des gardes acquiescer en regardant son pote en mode « Mais oui, c'est logique !» Et dans ce temps-là, donc, vous voyez ce Phileas... Oui, j'aimerais bien pouvoir approfondir la lecture, voyez-vous, pour renseigner au mieux le chef de la garde que vos intentions sont les plus bonnes possibles. Si vous m'autorisez à garder cet exemplaire quelques jours, vous pouvez venir le récupérer quand bon vous semble, évidemment. Alors, c'est lequel de bouquin d'ailleurs qu'il a ? Est-ce que c'est le plus détaillé ? C'est pas le nouveau, non, c'est le premier que tu avais. Qui finalement n'est pas si détaillé que ça, mais tu dois avouer ne jamais t'être risqué à la plupart des choses qu'il y avait dedans. Je me souviens, il y avait quand même des choses pas très cool dans le premier. Pardon ? De souvenir, il y avait des choses pas très cool dans le premier. En effet, pas trop, non. Eh bien, je dois vous avouer que je suis en plein milieu d'une étude particulière, surtout en rapport à, vous le savez sûrement, vu que vous êtes du coin, aux rumeurs qu'il y avait par rapport à ce qu'il y a dans les bois. Oui, bien évidemment, oui. Le terrible fantôme, encore hier, quelqu'un raconte l'avoir aperçu. Oui, justement. Après, loin de moi l'idée de vous empêcher d'y jeter un coup d'œil, mais disons que dans le cadre de mes études, je préférais que ce soit vous qui veniez à moi plutôt que moi qui vienne à vous. Je pourrais vous aider dans vos lectures, vu que vous semblez avoir un peu de mal avec certains passages. Oui, très bien. Si vous permettez juste que je prenne quelques notes, à ce moment-là, tu le vois sortir de son petit sac une espèce de parchemin. Ah ouais, vous pouvez, il y a un morceau de charbon. Vous pouvez, mais si ce n'est pas trop impoli, est-ce que vous pourriez vous presser quelque peu ? Ah oui, bien sûr, je fais au plus vite. Il se fait faim, mon ami. Je vais poser le livre par terre, allonger le parchemin juste à côté, avec son morceau de charbon, feuilleter quelques pages et indiquer quelques mentions. Tu sens qu'il a l'air étonnamment intéressé finalement par le contenu du livre et qu'au-delà de la relecture, et finalement le fait de te défendre, semble... Il prêtait une attention particulière, à vrai dire, comme je le disais, ces livres, au-delà de leurs intentions premières, semblent dégager une certaine aura, et en tout cas recèlent d'informations incroyables. En tout cas, elles semblent indiquer et semblent proposer les réponses à de nombreuses questions que se posent la plupart des membres de l'Église, malgré le fait que la réponse à tout est censée déjà quasiment avoir été trouvée. Il s'empresse donc d'écrire la majorité de ce qu'il pouvait. Tu le vois refaire quelques dessins, et d'un seul coup rouler son parchemin, le remettre dans son sac, jeter le reste de son morceau de charbon presque terminé par terre, et se retourner vers les gardes, laisser partir cet homme, c'est un héros. Je suis un petit salut de garde d'ailleurs. Voilà. Tu vois. Alors... que le chef de la garde semble lui l'avoir mauvaise. Vous voyez bien mes bons messieurs. Nous sommes de bonne foi. Je pense que votre source est mal informée. Et qu'en est-il de frère Basile ? C'est une excellente question, parce que j'ai été la personne qui a été contactée par frère Basile afin de d'avoir ma présence ici même. Et ce que vous me dites me rassure guère, puisque il est non seulement la personne qui finance notre enquête vis-à-vis des éléments récents, vis-à-vis des rumeurs, mais ça me paraît très peu probable. Et vous, en plusieurs journées qu'il a disparu, de ce que vous me dites, vous n'avez toujours aucune trace, vous n'avez rien cherché. Bien, en réalité, cela fait faire exactement une journée et demie environ que nous n'avions pas eu signe de lui, et notre source nous a indiqué que vous aviez eu un lien ou que vous étiez censé le rencontrer. Tout à fait, oui, parce que je suis homme d'église. Tout même que l'aubergiste atteste vous avoir vu en sa compagnie. Tout à fait. Il y a cela quelques jours. Je viens de vous expliquer en une demi-seconde, finalement. Vous auriez pu commencer par ces questions. Mais finalement, j'aimerais bien que vous, par contre, vous dépêchiez aussi à comprendre ce qui se passe, parce que c'est un frère d'église et j'aimerais qu'il ne soit pas arrivé malheur. Ouais. Vous avez aucune piste, rien ? Eh bien, nous avons une source. Tu sens qu'en le disant, il commence à douter petit à petit de sa théorie. Bien. J'espère que cette source n'a pas de mauvaise fréquentation. Avez-vous foi en cette source ? C'est vrai que diffamer un héros de l'église comme ça, ce serait un peu... malvenu et peut-être suspect, monsieur. Écoutez, vous n'avez pas à me dire comment est-ce que je dois faire mon travail. Circulez, messieurs, et arrêtez de m'importuner. Vous avez pris suffisamment de mon temps aujourd'hui. M'importuner. Et ramassez ce que vous avez laissé sur mes parties. Vous devriez nous rembourser, hein, d'ailleurs. Hein. Vous imaginez pas tout le manque à gagner s'il vous plaît. Cette chasse-là qu'on n'a pas pu faire à cause de vous. On a ramené qu'un seul sanglier. Hein. Moi, franchement, vous rendez pas compte de ce que ça va être difficile. Hein. Vous savez pas, on a des familles derrière à nourrir. Hein. Avec un seul sanglier, ça, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas de problème avant qu'il y ait des étrangers qui arrivent en ville. Je remets mes armes. Moi, ce que j'aimerais faire avant que ces deux personnes continuent de vous importuner de la sorte, je crois que les habitants de votre ville sont assez mal élevés. Par contre, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est surtout si vous pouvez nous tenir au courant, si vous avez des informations sur Moine Basile, parce que c'est une personne auquel je tiens personnellement. Donc, Fais-moi un jet de charisme. Je reprends mes armes, moi, et le sanglier en question. Mais les gardes, c'est pas très poli de balayer devant les gens. J'ai fait 12. Tu vois qu'il acquiesce juste et ils repartent de leur côté. Bon, sur ce, mes amis, je pense qu'il est temps d'aller s'occuper de ce sanglier. Et de se remplir la panse, parce que nous avons faim. Oui. Messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. Oui, soit. Au revoir. Ouais, n'hésitez pas à passer à l'occasion. Il nous restera sûrement un peu de sanglier pour... Et je salue le frère curieux. Là-dessus, vous vous rendez au niveau de la cabane d'Edouard. Vous vous y installez. Et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez enfin en train de... enfin déguster ce fameux sanglier. La cabane qui est juste Takeman, au-dessus tu n'es pas très loin. Au bois des ours, au bois aux ours. C'est ça. Personnellement, je ne vais point manger ce sanglier. Et donc, je vais m'absenter durant le repas afin de sortir chercher quelques miettes de pain à la taverne, à l'auberge, pardon. Très bien. Sachant que, n'ayant plus d'argent, vu que je l'ai étonné, je demanderai tout simplement à l'aubergiste de me donner les restes de pain durs, qui ne sont plus vraiment consommables, hein, disant que j'ai l'habitude, étant quelqu'un de la route. Du pain rassis, quoi. Exactement, c'était rassis, donc cherchais. Fais-moi un jet de charisme. Bon, sinon, j'en avais peut-être qui traînait à la maison, hein. Je sais pas. Hein. Tant qu'à faire, autant éviter le gaspillage. Hein. 8 et j'ai combien déjà ? 5, 8 et 5, 13. Non. Si. Si, 13. Si. 13. En effet, tu vois qu'il te donne 2-3 miettes de pain et même une vieille miche qu'il a pu récupérer. Ça fait plaisir de savoir qu'un chevalier est ici prêt à nous défendre. C'est pas les gardes qui s'occuperaient de notre sort, hein, ça c'est sûr. Et tu vois que lorsqu'il te parle, il s'arrête d'un coup lorsque l'un de ses fameux gardes entre dans la taverne. Mes bons amis, est-ce que ce sanglier vous sied ? La cuisson ? Bah, on aurait pu en avoir plus, hein, si jamais. Hein, bon. Oui, bah, ma foi, un sanglier entier, pour nous trois, je pense que ça reste convenable. C'est très convenable. Voilà. Il en restera. C'est même en fait bien. Il en restera pour les jours à venir. Alors je pense que notre histoire n'est pas prête de se résoudre rapidement. Ouais, vous savez, ça pourrait se résoudre très rapidement même. On n'est jamais vraiment prêt à tout ce qui pourrait se passer. C'est pas faux, c'est vrai. Et bon, je pense que la fameuse source. D'après ce que les gardes ont dit, j'ai l'impression que c'était une femme. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre de la façon dont il en parlait. Ne serait-ce pas peut-être la sœur qui nous aurait lâchement vendu ? De toute évidence. Sinon, qui d'autre serait au courant de quel genre de livre j'avais sûrement ? Si ce n'est la propriétaire du livre. C'est pas faux, c'est vrai, frère Gunther. On pourrait peut-être aller lui rendre une petite visite cette nuit. Cette nuit ? Écoutez, avec les gardes qui nous suspectent, peut-être que aller la voir cette nuit pourrait aggraver la situation. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, frère Gunther ? J'avoue qu'il serait embêtant qu'on se mette vraiment la garde sur le dos. D'un autre côté... Est-ce qu'on n'a pas l'impression de l'avoir sur le dos, là ? Oui. D'un autre côté, leur informatrice, a priori, cette femme, risque bien de disparaître dans peu de temps, sachant qu'elle s'est attirée nos foudres. Je dois avouer que c'est un problème assez épineux. Quel est votre avis, vous, à chacun, sur la question ? Bah, étant donné que il n'y a que moi et Jeanne avec toi dans la pièce, moi personnellement, je pense qu'il serait peut-être plus prudent de laisser passer la nuit et d'y aller en journée. Mais effectivement, peut-être dans l'urgence, à part... peut-être si Jeanne, vu qu'elle a l'air assez facile avec la discrétion, peut-être pourrais-tu aller faire un tour chez elle sans te faire remarquer. C'est vrai, il y a peut-être une fenêtre. Qui est cassée ? Qui est cassée ? Oui, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Après. Bon, est-ce qu'on devrait récupérer, enfin, ce serait quoi l'intérêt du coup, juste, parce que je vous le dis juste pour le faire, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des choses intéressantes ou faudrait vraiment... peut-être elle serait en compagnie de la personne que nous avons poursuivie cet après-midi. Ou peut-être elle pourrait vous mener dans des endroits, dans un endroit secret si on la suivait, je ne sais pas. Bah moi je veux bien m'y tenter, hein, mais... Si vous en pensez capable, je dirais que vous devriez faire. Est-ce que... Jeanne ne s'en sent pas capable. Est-ce que nous pourrions peut-être retrouver le paladin et en discuter avec, avec lui? Peut-être ce serait une bonne chose de savoir ce qu'il en pense. Il n'est pas là sur le moment de toute manière, mais s'il arrive dans quelques secondes... Vous êtes quand même en effet, oui, depuis que vous avez été rejoint par paladin. Oui. Vous voyez qu'il a pris un petit c'est peu de temps... Au moment où il s'en parle, c'est ça qui est bien. Il vient d'entrer d'ailleurs. Au moment où vous dites son nom, la porte s'ouvre et vous voyez l'homme de la situation en parler. J'ai trouvé mon plaisir. Où en êtes-vous? J'en y va ou j'en y va pas? Mais j'en y va. Très bien, j'en y va. Disons que... Jeanne. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Dans ce cas-là, Jeanne, simplement, si tu es d'accord... Tu te rends dans la ville d'Acton. Que tu valides? J'aimerais l'entendre de ses propres... Je crois que Jeanne est dans une autre dimension pour le moment. Enfin, quoi qu'il en soit, j'en profite pendant que Jeanne est en train de savoir ce qu'elle fait pour faire un peu le topo de ce qui s'est dit à Paladin, puisqu'il n'était pas là, et lui dire tout simplement que nous posions des questions sur s'il fallait intervenir ce soir et aller voir la sœur, ou attendre demain matin et faire ça en pleine journée. Ouais, finalement, je suis d'accord avec mon premier choix, faire l'instinct. Je pense qu'il peut être intéressant d'avoir d'abord quelque chose, un point de vue nocturne, et on verra ce qu'on en fera demain. Puis Jeanne est compétente dans ce domaine, donc. D'accord. Oh, oui, oui, excusez-moi. Si vous voulez, j'y vais dès que le soleil se couche. Très bien. Jeanne, tu attends donc que le soleil se couche. À ce moment-là, vous avez fini de manger et tu te rends dans les petites ruelles d'Acton. Tu les connais très bien, ces petites ruelles. Tu arpentes quelques silhouettes de rue, tu zigzags entre quelques bâtiments histoire de ne pas être vu. Et tu te rends au niveau de la maison de la fameuse femme. Et je vais te demander un jet de discrétion et de perception. Alors que tu t'approches de chez elle, tu distingues assez nettement la silhouette de sa petite maison et celle de sa vitre qui ne semble pas avoir été remplacée depuis qu'elle a été brisée. Le volet est d'ailleurs toujours posé au sol. Un jet de discrétion et un jet de... Discrétion et perception. Très bien. Tu t'approches donc de la petite maison. D'accord. Mais en vrai, ta musique Toulou, elle est peut-être un peu trop vénère. Hein. Mais n'importe quoi d'autre. Hein. J'ai juste dit musique inquiétante. Hein. Ouais, non, je suis désolé. Il y a des bons moments, mais en fait, elle a tendance à partir en orchestre. Y a pas de souci. Ouais. Très bien. Donc. Pourquoi j'entends plus personne? Parce que personne ne parle, tout simplement. Ah, d'accord. J'ai cru que j'avais bugué, excusez-moi. Jeanne, tu t'approches de la fenêtre, toujours ouverte donc, et tu enjambes assez facilement les quelques morceaux de verre qu'il reste. Tu réalises d'ailleurs que ta prouesse de la dernière fois a été relativement bien maîtrisée, relativement bien chorégraphiée, puisque sans trop de problème, tu atterris dans sa chambre. Cette dernière est vide, mais tu aperçois de la lumière paraître au niveau du couloir. Alors, vide. Alors, je suis dans le. Enfin, je suis dans la chambre, d'accord. Là, tu es dans la chambre. Bon, déjà, y a personne. Et tu entends du bruit et de la... tu vois de la lumière au niveau du couloir. Déjà, il n'y a personne sous le lit. Pardon ? Y a personne sous le lit. Tu regardes sous le lit. Et tu ne vois rien. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas un. Non, non, il n'y a pas de trappe. Il y a moins de poussière qu'un autre. Non, non, non, cette fois-ci, a priori, tout à l'heure. Ça aurait été très flippant si c'était le cas. Tu te rapproches de ce qu'il reste de la porte qui, elle, a été reposée. Donc, ne ferme plus clairement la pièce, mais est posée là contre le mur. Et au niveau du centre, donc je ne sais pas si tu te souviens bien, mais de l'intersection entre les quatre, on va dire, appartements qui se trouvaient là, tu vois la silhouette tu distingues les silhouettes de quatre personnes. Encapuchonnée. L'une d'entre elles semble légèrement tourner autour du centre de la pièce en boitant, et tu distingues au niveau de ses bras apparents de nombreux tatouages. Au centre de la pièce, tu distingues une silhouette, elle, agenouillée. Complètement nue, ce semble visiblement être une femme dont une partie du corps est également recouverte de ces étranges symboles, tandis que les deux autres personnes, elles, sont recouvertes de leur grand capuchon et de leur grande cape, les masquant complètement. Évidemment, elles sont en train actuellement de marmonner certaines phrases incompréhensible. Peut-être le dialecte dont tu parlais tout à l'heure. Le cheval boubou. Pardon ? Non, je disais le cheval boubou. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Alors. Donc, est-ce que je pourrais... Alors... Je sais que normalement on a tout ce qu'il faut, mais la bibliothèque, moi je me posais des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres qui pourraient être. Tu veux la fouiller ouais. Fais-moi un jeu de perception. Plus un autre jet de discrétion. Si jamais tu fais 10 ou autre sur ton jet de discrétion, c'est pas trop grave. Mais si tu fais un résultat assez bas, en tout cas en dessous de 10 cette fois-ci, tu peux, ton personnage, on considère qu'il fait du bruit. Donc un 1 ou un 2 sur ton dé. Alors, 2,14. Ok. Ouais. Attends, 2 et 14 ? 14 et 14. Ah, d'accord. Okay. Tu feuillettes les quelques livres, tu les déposes sur le lit et tu essaies de voir à travers, avec le reflet de la lumière de la lune, à peu près ce qu'ils indiquent. Malheureusement, de ton côté, tu ne sais pas lire, mais ils semblent, pour la plupart, relativement normaux. C'est en effet étrange, ils sont quand même assez nombreux, surtout, en tout cas, clairement, ils n'ont rien à faire là, c'est pas du tout le genre de personne qui est censée avoir des livres. Mais tu ne saurais pas dire si ces derniers sont étranges ou non. Pendant ce temps-là, tu entends du bruit et des bruits de pas au niveau de la pièce à côté. En jetant un petit coup d'œil à travers l'espèce de fissure au niveau de la porte, toi tu sais que tu es caché dans la pénombre et que donc on ne pourra pas te voir depuis là pour l'instant, que la femme, elle, a de nouveau également, enfin, a également vêtu l'une de ces espèces de capes, et que cette fois-ci c'est l'homme qui boite, qui se place au centre de cette espèce de cercle qu'il forme, et tu entends une voix un peu plus haute que les autres commencer à indiquer les phrase suivante. Tu as failli à ta mission. Tu étais censé tous les éliminer. Au lieu de ça, tu n'as éliminé que Basile. Il ne nous était d'aucune utilité, ni vivant ni mort. Tu vas devoir payer de tes crimes. Il utilise le terme crime pour qualifier un échec. Clairement, ce que t'entends là est assez étrange. Et assez, comment dire, inopiné, en tout cas, vu la plupart des relations. Évidemment, donc, tu te rends compte que tout cela n'a rien de normal. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je pourrais trouver un meilleur endroit pour observer la scène ? Tu peux te rapprocher de la porte. C'est ce que je vais essayer de faire. Ok, tu te rapproches de la porte. Tu vois qu'ils ont les yeux a priori rivés sur la scène en train de se passer. Ils semblent pas du tout jeter le moindre coup d'œil à Tiff. En fait, normalement, il n'y a pas beaucoup de monde à ces heures-là. Ils sont persuadés que personne ne puisse les entendre ni les voir. Et est-ce que de là où je suis, je peux arriver à voir peut-être un ou deux visages sous les capuches ou les... Fais-moi un jet de perception avec un malus de... Donc en tout, 6. T'as dit un malus ? Oui. Parce que non, j'ai fait 1. Plus ok. 6, 5. Donc moins 3, ça fait. Donc plus 2, ça fait 3. 4. Quoi ? Non, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est un échec. Malheureusement, tu n'arrives pas à distinguer les fameux visages. Tu les entends juste dire. En échange de. Enfin, en échange. Pour te faire pardonner tes crimes, tu devras de nouveau sacrifier une partie de ton corps. À ce moment-là, l'un des hommes empare une espèce de dague étrange qui était déposée sur le meuble à côté et s'empresse de découper l'une des phalanges de l'un des doigts de l'homme assis au milieu. Il lui tend à ce moment-là la dague. Il lui fait « Ce soir, tu devras rectifier ton erreur. Voici où nous avons aperçu habiter tes cibles. L'un d'entre eux habite dans une cabane au sud de la ville. L'une d'entre elles habite dans ce quartier-là, juste là. Ils sont 4. Pour les autres, tu devras tester les auberges. Et le logement des autres, fais attention. » L'homme s'empare de la dague. Tu distingues vite fait une espèce de lame un peu runique et tu le vois partir. Puis tu entends le bruit de la porte principale s'ouvrir puis se refermer. Là-dessus, la séance de ce soir est close. Nous retenterons demain, en espérant que tout ce soit plus fructueux. En tout cas, c'est une aubaine, mon frère et ma sœur. Mes frères et ma sœur, pardon. D'avoir pu obtenir de tels ouvrages. Et là-dessus, tu le vois en effet, lui, sortir depuis sa tunique une espèce de livre, semblable à celui que tu vois transporter Gunther. C'est vraiment étrange, ces livres. T'en avais jamais vu de ta vie, et d'un seul coup, t'as l'impression que dans ta ville, il y en a absolument partout. Et là-dessus, tu les vois chacun repartir en direction de l'une des trois portes, l'ouvrir et rentrer chez eux. Tandis que la femme, elle, se dirige au niveau de ta porte à toi. Okay, qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller... 5. Je vais fuir. Ok. Fais-moi un jet d'acrobatie. Instinctivement, tu te diriges en direction de la fenêtre et tu t'apprêtes à te jeter de cette dernière. Lorsqu'au moment où tu atterris, tu te rattrapes la main sur l'un des morceaux de verre qui se trouvait au sol. Et tu ne peux t'empêcher de lâcher un petit cri. Ah ! Et tu entends juste derrière toi une voix faire. Y a quelqu'un ? Et se diriger au niveau de la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de me cacher. T'essaies de te cacher, fais-moi un jet de discrétion, vite. Genre un coin. Jet de discrétion. 15. D'un seul coup, comme par réflexe, comme par magie, tu te jettes sur le côté et te places au niveau un peu de l'entrée, calé derrière la porte. Et tu entends et distingues la silhouette d'un visage au niveau de l'ombre du rebord de la fenêtre passer à travers et bouger. Tu vois l'espèce d'ombre de la chevelure se balancer, comme si elle regardait à droite et à gauche. Est-ce que je peux tenter de la regarder ? Est-ce que je peux tenter de voir ? Alors attends, je vais monter ton son, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux tenter de... Je peux tenter de mieux le regarder, de voir ce qu'il y a sous le visage, sous le capu. Fais-moi un jet de perception. Ou de discrétion. Parce qu'il s'agit de là de voir sans être vu. En effet, tu jettes un petit coup d'œil rapide, caché dans la pénombre. Entre la porte et le mur, tu sais, tu as toujours un petit espace. Tu jettes un petit coup d'œil, en te glissant justement derrière cette fameuse porte. Et tu aperçois, tu reconnais le visage de la femme de la dernière fois. Mais cette fois-ci recouvert de marques. Tu pourrais se bloquer là quelques instants. Elle annonce de nouveau quelques appels. Est-ce que quelqu'un est là ? Rodrigue, c'est toi ? Ensuite, tu sens qu'elle fait quelques appels, comme si ça aurait pu être peut-être un chat errant ou autre. Mais en l'absence de bruit, elle se ravise et retourne à l'intérieur de chez elle. Où tu l'entends déplacer un meuble, visiblement l'étagère, jusqu'au niveau de la fenêtre, et place quelques objets dessus dans l'objectif de simplement masquer l'ouverture au niveau de la fenêtre. Et la seule et dernière chose que tu entendras sont une phrase du style « Mais qu'est-ce qu'il fait là ce livre ?» Tandis que nous allons passer... aux autres. Pendant ce temps-là, vous autres, vous trouvez au niveau de la cabane du chasseur. Vous êtes en train de manger et depuis que votre ami est parti, qu'est-ce que vous faites en soi ? Exactement. Quelles sont les occupations auxquelles vous vaquez ? Bah, ça va être la nuit. Et donc, du coup, si c'est possible, un petit feu. Je suppose qu'il y a ça dans une cabane de chasseur. Bien sûr. Et, la cabane. Exactement. Y veiller, du coup. J'ai une question. Peut-être qu'elle avait déjà été répondue dans le passé, mais j'en ai plus souvenir. Vis-à-vis du fait de la connaissance de la lecture du point de vue de Paladin. Très bien. Je vous laisse répondre les autres. J'imagine ici que donc que seulement Gunther sait réellement lire. Oui, alors, quand j'imagine bien effectivement que je lis pas aussi bien que Gunther, mais savoir si, je pense, vu qu'il y a quand même une éducation en tant que chevalier... Oui, en effet, tu peux avoir lire, quelques bases, oui. Oui, voilà. Moi, je sais pas lire. Et dans ce cas, pourquoi pas essayer de trouver de quoi lire au feu en attendant le retour de Jeanne. Sachant que je vais pas essayer de lire les livres de Gunther, parce qu'ils ne sont pas de mon niveau, clairement. Mais je sais pas si sur moi, il est possible que j'ai peut-être un truc sur un parchemin, un truc du genre. Voilà. Du coup. Très bien. Moi, en attendant, je suis au coin du feu et je suis en train de travailler ma hache pour le tranchant. Tu sais, elle est en train de. Ouais. Tu vois. Très bien. Eh bien, faites-moi chacun un jet de perception. Nous trois? Ouais. Ok. J'aime quand il y a un grand chiffre. Attends, j'ai combien? Oh, 11. J'aime beaucoup faire 6 sur mon dé et avoir 5 en. C'est perception, c'est ça? Oui. Alors, je pourrais juste. Hop là. Moi, j'ai fait 11. De ton côté, 12. Edouard, alors que tu es en train de tailler ta hache et que tu repenses à certaines choses un petit peu inquiétantes qu'ont pu te dire les gardes aujourd'hui, tu entends un léger bruit au niveau du toit. Tum, tum. Le genre de bruit que font les chats ou les oiseaux lorsqu'ils s'assoient dessus ou marchent dessus, tu les entends parfois lorsque tu essaies de dormir. Mais c'est assez étonnant qu'à cette heure-là, il y ait le moindre oiseau dans le ciel. Généralement, ils attendent le matin. Vous entendez la même chose que moi ou je rêve, j'entends des bruits qui viennent du toit, qui viennent du toit. Oh, sûrement des animaux. Bah ça Ils sont si. pas dans un. À cette Il me heure-ci. semble que certains animaux sont plutôt nocturnes. En plus, on est à côté de bois. Ouais, Vous enfin n'avez bon, jamais entendu ça dans votre cabane, hein? c'est assez inhabituel, je dois dire, Mmh. par chez moi la nuit. Je devrais dormir la plus. À ce moment-là, vous entendez toquer au niveau de la porte en bois de la cabane. Trois coups fermes. Moi En j'ai plein milieu de la nuit. ma Vous y allez ou hache. vous y allez, J'ai ma Edouard? hache. Je vais y aller et je prends ma hache. Ok. J'ai ma hache en main, de toute façon j'étais en train de la Très bien. déguiser. Oui. Oui, qui Tu c'est? récupères ta hache et tu t'avances. Je m'avance mais je commence à dire qui c'est? Tu n'as pas de réponse. Seulement trois nouveaux coups. Je me tourne vers Paladin et je lui fais un regard genre soyez prêt à quelque chose, c'est pas normal. Et je m'approche de la porte et j'ouvre de façon, on va dire, suspicieuse. Enfin, tu vois, je fais attention quoi. Oui? Tu ouvres légèrement la porte d'ailleurs. Elle s'ouvre donc vers l'extérieur. Et Oui? tu ne vois rien, malheureusement il fait noir dehors. Tu t'avances légèrement? Ben, je retrouve un peu plus, mais bon, sans être vraiment. Enfin, je me méfie, quoi. Je rouvre un peu plus la porte. Tu ouvres un peu plus, tu vois rien pour l'instant à l'extérieur. Qui c'est? T'entends un petit bruit à quelques mètres devant toi, hein, comme un ch-ch-ch. Mais tu vois rien, il fait nuit. La lune n'éclaire pas assez pour que tu puisses distinguer quoi que ce soit a priori. Je vais voir, je prends dans la cheminée, en fait une branche qui était en train de brûler et qui est incandescente dans un coin, et je la balance dehors pour peut-être essayer d'allumer, voir s'il y a pas, si ça va Ok. pas. Donc je la lance. Tu prends une branche et tu la jettes dehors. Tu sens en effet clairement que quelque chose ne va pas et que quelque chose ne tourne pas rond. Et compte tenu des choses que vous avez pu voir ces derniers jours, tu préfères être prudent. Tu la récupères et tu la jettes à l'extérieur. Tu vois qu'à quelques mètres, elle illumine assez distinctement une pierre en plein milieu du chemin de terre. Exactement à l'endroit où tu jurais avoir entendu du bruit. Pierre. Et au niveau de l'angle, tu peux assez aisément déduire du coup qu'elle aura pu être jetée par une personne se trouvant à proximité. Fais-moi un petit jet de savoir qu'on va utiliser comme un jet de logique. Non. Ce sera T'as pas bon. aucun réel moyen de savoir d'où est-ce qu'elle pourrait venir. Vous autres, vous voyez votre ami Edouard sur ses gardes venir au niveau de l'une des branches, la jeter à l'extérieur. Je sais pas, quelqu'un a Et jeté un guetter au niveau de caillou. l'entrée, comme s'il s'apprêtait à voir quelqu'un apparaître au loin. Il y a personne dehors, mais il y a comme un caillou à l'extérieur que. Moi, je me mets juste au niveau de Gunther. Ok. Qui est-ce? Je crie encore un peu. Qui êtes-vous? Aucune Montrez-vous. réponse. Bah, je referme la porte, parce que clairement je vais pas ressortir. Et je retourne à l'intérieur. Inquiétant. À ce moment-là, vous entendez un boum au niveau du toit, comme si quelqu'un venait de presque s'affaisser. Et vous comprenez clairement que quelque chose se trouve juste au-dessus de vous, mais quelque chose de gros. Pas un animal, quelque chose d'humain. Et suivi d'un schpam à quelques mètres, et vous comprenez que quelqu'un vient de sauter juste au sol. J'attrape une autre branche, enfin une torche, dedans, et je sors en courant. Et je regarde à peu okay. près à l'endroit où je pense que tu ça va. Torche, tu ouvres la porte d'un seul coup. Qui et à quelques mètres de toi, tu vois une silhouette, en fait, qui vient de se jeter sur le sol et commence à partir en courant. Exactement la même silhouette encapuchonnée que la dernière fois. Vous voulez bien l'arrêter cette fois-ci? Ça fait 3 fois quand même qu'ils s'enfuient. Bah après je sais ouais. pas, j'ai il fait nuit. Elle est qu'à quelques mètres hein. Là pour le coup elle est vraiment. Bah j'essaie de lui courir après alors. Fais-moi un jet d'athlétisme. Neuf. Alors c'est mauvais mais c'est toujours mieux que lui. Parce que lui, pour rappel, a une jambe blessée. Ah oui. Tu le vois essayer de partir en courant. Et pour rappel, bah il boite. Alors assez rapidement tu le rattrapes. Pendant ce temps-là, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Pour rappel, la situation que vous venez de laquelle assister est assez étonnante. En fait, simplement avec ces bruits, vous sentez Edouard sur ses aguets, presque paranoïaque. Il ouvre la porte, jette un coup d'œil à l'extérieur. Et assez facilement, vous comprenez que quelqu'un se trouvait juste au-dessus de vous, au niveau du toit. Ce qui semble s'en suivre une espèce de course-poursuite en plein milieu des champs. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est là qu'il essaie de te semer. Tu le vois se jeter au niveau des champs, essayer de commencer à courir en plein milieu de ces derniers, mais t'es beaucoup plus rapide que lui, tu fais d'énormes enjambées, tu te précipites dessus, et d'un seul coup, t'arrives à l'empoigner au niveau des épaules, et tu le plaques au sol, et tu le vois s'écraser dans la boue. Et là, je le menace de ma hache. Non, je lui mets la torche presque dans la tronche. Tu vois qu'instantanément, il s'essaie de se redresser, et il essaie de t'asséner un violent coup au niveau du visage. Fais-moi un jet de défense. Et il faut que tu fasses plus que 12. Et défense, eh ben non, je fais 10. Ok. Tu sens la dague transpercer ton vêtement. Ah et une partie de ta peau, tu perds 4 moins 1, 3 points de vie. Et cette fois-ci, je le note. Sur une feuille de papier. Ça se perd pas. Ah tu sens le sang commencer à couler sur cette dernière et tu vois un homme au visage recouvert de tatouages. Justement sortir sa dague et commencer à te blesser, enfin à t'entailler avec cette dernière. Il est au sol quoi, il fait ça au sol. Ouais. Ça, en fait, il s'est retourné d'un seul coup, il s'est dégagé, tu l'as fait tomber, mais il est pas immobilisé mais du tout. Il tente de s'en prendre à toi. J'enchaîne direct avec un coup de hache. Très bien, je te laisse me faire un jet de arg. Donc un jet de corps à corps. Dans un langage plus professionnel. Ça fait bah, 10. 10. Ça passe. Okay. Tu fais donc un des 8 dégâts. Tu lèves ta hache et d'un seul coup, assez aisément, tu arrives à lui planter au niveau de l'épaule. Tu le vois lâcher son arme. Oh, putain, attends, je cherche mon D8. Ah. T'as pas un D8 avec toi? Au pire, tu le fais pour moi. Tu veux que je te le fasse pour toi? Ouais, je l'ai pas sorti là. Ça gagnera du temps. Tu fais 6 points de dégâts. Ouais, merci. Pas de soucis. Tu lui donnes donc le violent coup, tu le vois lâcher son arme de douleur et commencer à se tordre, et commencer avec l'autre bras à te dégager avec un coup de poing. Mais ta structure, tu es beaucoup plus imposant que ça, donc t'arrives à le maintenir immobile. Pendant ce temps-là, les autres, vous restez à l'intérieur. Vous avez vu votre ami s'échapper à l'extérieur et c'est en courant. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon gros temps entre le moment où on a pu... Donc je suppose que oui. Et au moins rester au garde de Gunter, parce que pour moi, c'est le... Toi, tu restes au niveau de Gunter ? Ouais, quoi qu'il fasse. Moi, mon objectif, c'est le protéger. Fais-moi un jet de perception. Oui, monsieur. Et pendant qu'il fait ça, moi, Gunter... Bah, étant Gunter et ne pouvant pas me battre, bah, j'imagine que je reste juste sur le pas de la porte avec mon poignard à la main au cas où. Mais genre, je vais pas aller m'aventurer dans le noir, quoi, parce que c'était... Ok. Déjà, avec deux jours, je me fais tabasser. De ton côté, Paladin, tu entends du bruit au niveau de l'entrée, au niveau des champs. Tu sembles entendre un peu au loin une bagarre éclater, mais tu vois également à quelques mètres de toi une seconde silhouette apparaître. Et se diriger au niveau de la maison, étant donné que la porte est restée ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est à moi là qu'on parle? Non, pas là-dedans. C'est très compliqué parce qu'en fait, d'un côté, j'ai envie d'avoir comme objectif principal de pas lâcher Gunter. Quelle distance, pardon, du coup? Tu m'as dit 3-4 mètres. Donc quelqu'un est clairement en train d'approcher et s'apprête à rentrer à l'intérieur. Et Gunter, il est derrière moi. Gunter, du coup, lui s'y met au niveau de la porte avec sa dague. J'imagine un petit peu en retrait, prêt à planter la première personne qui passerait. Donc, désolé, hein, je suis très chiant, mais c'est parce que je veux vraiment pas perdre mes deux objectifs en même temps. Qui est Gunter et réussir à contrer tout ce qui se passe. Paladin est dévoué aussi. C'est-à-dire que si je... Bah, tout à fait, je suis loyal comme un bon mon chevalier. Si je m'avance pour le contrer... Je pourrais toujours être assez proche de Gunter pour réagir et qu'il soit pas en avant sur le danger, c'est ça? Ah, pour l'instant, Gunter est devant toi, même presque, du coup. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il sera... Bah, si tu te mets à l'entrée de la maison, il sera derrière toi et tu seras devant la porte, donc le seul accès pour... Okay. Oui, c'est ça la question, surtout au niveau accès. Ah oui, du coup, en effet, il suffit d'avancer pour bloquer l'entrée. Donc tu fais ça, j'imagine, bouclier en avant. C'est ça, bouclier, c'est ma technique dans la vie. Bouclier en avant, je sais qu'il marcherait bien, mon bouclier. J'ai une confiance aveugle. Et ce qui compte, c'est que j'ai toujours, je sais, la présence de Gunter dans le dos. Très bien, donc tu t'avances, bouclier en avant, et assez rapidement, tu vois la silhouette se mettre à accélérer et se jeter sur toi, dague à la main. Ça va aller. Fais-moi un jet de défense. Pas de soucis. Défense, oui. Oh, 5, c'est joli ça. Bah, hop, 11, 5 et 6. 11 ? Ouais, pile. Très bien. S'il a fait 14, je suis foutu. Tu vois que t'arrives à bloquer le coup, malgré tout, t'es propulsé à quelques mètres de toi, tu sens que sa puissance est... Tu l'avais complètement sous-évalué. Et juste devant toi, tu reconnais assez facilement la silhouette de la femme de la dernière fois. La sœur de la sorcière. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Ses yeux sont noirs... Et son visage dessiné de part en part. Tu y reconnais là d'ailleurs un ancien personnage que tu avais autrefois pu rencontrer. Ok, c'est effectivement très bien. Mais dans tous les cas, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu vas essuyer quasiment instantanément un second coup et je te demande un deuxième jet de défense avant que tu ne puisses faire quoi que ce soit. Je voulais savoir si je pouvais contre-attaquer, mais du coup. Tu m'y as répondu. 9 et 5, ça fait 14. 14. Elle se jette sur toi, t'arrives à bloquer le coup avec ton bouclier, et en donnant un violent coup d'épée, la dague vole et se plante sur le côté du mur. En plein dans le bois. Et elle se retrouve donc désarmée face à toi. Pendant ce temps-là, toi, Edouard, tu es de nouveau face à l'homme, donc au sol, en coup de hache. Ouais. Je te laisse donc me refaire un jet. Putain, elle est 10. C'est pas possible. Pas possible, mais suffisant pour blesser un homme lui-même mutilé à 3 endroits désormais. Donc un D8 encore. Ok, vas-y. Ah merde. Si je vise pas la boîte. 8. Tu lui redonnes un violent coup, et d'un seul coup, tu sens sa tête rouler à quelques mètres de toi. Évidemment, le corps, lui, ne bouge plus. Et du coup, une fois ça, je repars dans l'autre sens. Ok, tu te redresses et tu cours dans la direction opposée. Pendant ce temps-là, toi, Paladin, qu'est-ce que tu fais? Tu as la silhouette désormais juste en face de toi. Je veux... la maîtriser, ça c'est sûr. Je suis en armure, je pense que j'ai un poids assez conséquent. Du coup, ce que j'ai joué, c'est le corps à corps. Quitte à lâcher mon arme, c'est pas grave, mon armure est une arme elle aussi. De toute façon, tout est une arme, donc je lâche mon épée. De toute façon, Pierre Gunter peut la récupérer rapidement. Et je vais utiliser tout mon poids pour la mettre au sol. Et... pour le jeter sur elle. C'est ça. T'as du mal à y voir, même si c'est quand même un peu éclairé à cause de ton casque. Tu te jettes sur elle et elle va tenter un simple jet d'acrobatie en fait pour. Esquiver, c'est logique quoi. Pour c'est ça, essayer de passer au-delà de ta lenteur. Hop là. Ok, je vais te demander, toi, un jet. Je stresse. Je balance mon D10 depuis tout à l'heure. Soit d'athlétisme, soit de réflexe, soit de corps à corps. C'est assez libre sur la manière dont tu vas te jeter sur elle. En fonction de si tu vraiment privilégies le poids, si tu privilégies le fait d'essayer de l'attraper, ou simplement... Je ne vais pas regarder mes stats, je vais demander d'un point de vue RP, si je privilégie le poids, tu me dirais quelle compétence. Alors pour moi, l'athlétisme, ça aurait été le fait de se jeter sur elle le plus rapidement possible, les réflexes de la rattraper, donc j'aurais dit corps à corps. Pour moi, le fait vraiment de lui plonger dessus... C'est vraiment ce que je privilégie. Bon, ça tombe sur ma compétence la plus grande, mais je voulais faire un RP et pas dirigé par les compétences. Et du coup, j'ai 15. 15 ? Non, attends, pardon, excuse-moi. C'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ah, bon, ok. tu te jettes sur elle, en fait, tu te propulses et tu vois qu'elle t'assène elle d'un seul coup, un violent coup au niveau de la jambe. Qui assez étonnamment te fait partir presque donc cette année en arrière et tu t'éclates au sol, la manquant de peu. Tu vois qu'elle est juste à quelques mètres de toi, qu'elle a trébuché également dans l'action et qu'elle essaye de te retirer ton casque pour sans doute t'asséner quelques coups de poing au visage. Et d'ailleurs, elle y arrive. Alors, le casque retire. J'avais une question, c'est juste elle y arrive quoi qu'il arrive, ça y a pas de souci. On est bien seul aux alentours. Pour l'instant, vous êtes que deux, il y a juste Gunter qui est lui sur le côté, caché presque derrière la porte. Tout à fait. Du coup, oui. De manière RP, même si de toute façon ça change pas la finalité, comprenant ce qui se passe, limite, tu vois, je me défends pas du fait qu'elle enlève, tu vois. Comprenant la situation, je pense que ça peut jouer, donc du coup, je laisse le casque plus que votre carré résister. Ok. Elle retire ton casque et commence à essayer de te donner un coup de poing. Jusqu'à ce que donc elle te frappe une première fois, une deuxième, puis tu sais, donc dans l'action tout est un petit peu flou. Toi de ton côté, Gunter, tu assistes à la scène et tu vois d'un seul coup la femme se mettre à hurler de terreur. Qu'est-ce que tu fais? Elle semble réaliser sans doute qu'elle est prise au piège. De ton côté, toi Edward, t'es sur le point de là, t'es en train de rebrousser chemin, c'est ça. Et t'entends un hurlement à quelques mètres de toi. Les actions sont passées quasiment simultanément, donc t'es pas encore là. Il faudra encore entendre un tout petit peu. Moi, je vais m'approcher avec mon poignard dans l'idée de d'exécuter si elle... Ok. Si mon ami est donc un problème, parce que j'ai pas envie qu'il meure non plus. Déjà, a priori, elle n'a absolument pas remarqué ta présence, elle n'est pas au courant que tu es là. Et semble penser faire en tout cas un combat singulier contre le paladin. Oh bah je l'exécute. Bah écoute, je laisse me faire un G, je crois que tu as une compétence spéciale pour la dague. Oui, tu as l'attaque surprise. L'attaque surprise. Donc c'est de la discrétion. Et je vais te demander un bonus de 2 parce qu'elle n'est pas au courant de ta présence. Et je vais contrer avec de la perception. Avec le bonus de 2, ça fait 10. Ok. J'ai fait 3. Donc je suis de mon côté à 8. ce n'est pas suffisant. Tu t'approches juste derrière, et en effet, lorsque cette attaque est utilisée pour la première fois lors du combat, tu infliges 8 dégâts au lieu de 4. Tu arrives juste derrière, et toi, de ton côté paladin, déjà, comment est-ce que tu réagis voyant cette espèce de cri de surprise de cette femme Un sourire sadique. Ok, un sourire sadique. Tu la vois te regarder avec de grands yeux écarquillés, et ton sourire en est doublement sadique puisque tu vois la silhouette juste derrière elle, suivie de la lame lui transperçant la gorge et le sang giclé au sol. De ton côté, Edouard, tu arrives quelques instants après, la hache ensanglantée à la main, et tu aperçois la silhouette de dos de Paladin se relever en train de remettre son casque. En fait, tu vois simplement la fin du casque se poser, se remettre bel et bien en équilibre sur les épaules, et tandis que Gunther, lui, essuie une lame ensanglantée. Vous allez bien ? Parfaitement bien. Et en effet, du coup, Gunther, comment réagis-tu à ce potentiel premier meurtre ? Bon, même si cette femme n'avait l'air... Bah, on sait qu'elle était... Pas très bien intentionnée. Et vous, Gunther, ça va ? Même si oui, en effet, tu avais plus ou moins brûlé vif un homme, indirectement. Oui, mais ça, c'est pas lui. Il y a de cela 20 ans, donc finalement, j'imagine que ce n'est pas si... Combattu donc ça ? Je me tiens bien, je crois que je suis pas blessé. Ok, très bien. Vous reconnaissez évidemment la sorcière de la... Par contre, je tiens de la bague. Et allez. Pas de soucis. Mais non... C'est moi, je disais. Oui. Ouais. Oui, tu disais. Au niveau psychologique, par contre... oui, en effet, j'ai sûrement brûlé un homme dans le passé... Mais c'est, on va dire que c'était un meurtre de manière indirecte, on va dire. C'est vrai. Il y a quand même une différence. Là, j'ai planté quelqu'un avec un poignard. Oui, tu as senti sa chair s'ouvrir sous le poids de la lame. C'est pour sauver ton ami. Je suis quand même et pas. Finalement, tu réalises que ce n'était pas si différent que de transpercer un animal. Ah. Je suis perturbé par cette nouvelle découverte. Très bien. Moi, je retourne en arrière et je vais chercher la tête. Du mec. Ok. Tu te déplaces à l'extérieur. Nous, et tu découvres que le corps de l'homme est toujours présent. Bah, je prends sa tête et je la très ramène. Bien. C'était lui. Je ramène en juste sa tête. Qu'il fasse ça. Oui. En attendant qu'il fasse ça, parce que je suppose qu'il va pas mettre une seconde, bah, moi je propose à Gunther de rentrer le corps pour ne pas éveiller des soupçons d'un simple passant. En effet, vous cachez les corps. Vous avez l'avantage que le premier meurtre a eu lieu au milieu des champs de blé, donc a priori le sang n'est pas extrêmement apparent, en tout cas de l'extérieur du chemin. Et simplement, et c'est là-dessus que nous allons pouvoir terminer, Gunther, tu jettes un coup d'œil à la lame plantée au milieu du mur, et tu reconnais très clairement la dague sacrificielle qui est représentée dans ton livre. En tout cas, celui que tu as récupéré.